De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Pour terminer l'émission, nous allons parler de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, publiée il y aura bientôt 102 ans, et nous allons parler d'un phénomène qui est décrit dans l'ouvrage et que les scientifiques ont observé pour la première fois le 14 septembre 2015. Alors, je parle des ondes gravitationnelles. Alors, pour nous expliquer en quoi consiste la théorie de la relativité générale, et les ondes gravitationnelles, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'astrophysicien Yvan Dutil, qui a fait partie de la première cuvée des chroniqueurs à Futur Simple il y a à peu près 20-21 ans. Alors, bonjour Yvan. Bonjour. Alors justement, pour la petite histoire de Futur Simple, tu es arrivé au début, Yvan, ou dans la deuxième année ou les... J'étais là en 97, c'est okay. Certain. En même temps que moi, je m'en souviens. Et puis je crois que j'avais répondu, vu une publicité dans le fil des événements, le journal de l'Université Laval à l'époque. Donc, c'était dans les débuts. Là, okay. Ça faisait un petit bout de temps, quelques mois que ça jouait, je pense. Ça fait partie de mon programme de réinsertion sociale pendant que je finissais ma thèse. Je voulais voir d'autres humains qui étaient des astrophysiciens. En train de faire leur thèse de doctorat. Et les studios, à l'époque, n'étaient pas ici. Ils étaient sur la Grande Allée. Oui, exactement. Dans l'édifice de Saint-Laurent. Oui, c'est ça. Je pense que c'était au 8e étage. Oui. Et ton doctorat, tu le faisais avec Jean-René Roy, oui, je crois. C'est ça. Je le faisais avec Jean-René sur l'évolution chimique des galaxies spirales de type précoce. OK. C'est à peu près au même point où ça en était il y a 20 ans. Il y a eu quand même un petit peu de progrès, mais c'est... Donc, l'orientation de la recherche s'est un petit peu déplacée de sujet. Ah, écoute, ça fait vraiment un plaisir de te revoir ici à Futur Simple. Alors aujourd'hui, Yvan, tu as choisi de nous parler de la relativité générale d'Albert Einstein. Alors, ce document qui date de plus de 100 ans, qu'est-ce qu'il contient en fait? De quoi ça parle, cela, la relativité? Et en fait, j'imagine que ça parle de physique, sans doute, oui. Mais de quoi plus particulièrement? Ben, en fait, c'est la raison pourquoi j'ai amené ça, c'est parce qu'il y a eu une éclipse de soleil. Oui. Il y a quelques semaines. Oui. Et toute l'histoire de la relativité est liée à cette, une éclipse de soleil qui a eu lieu en 1919, okay. Le 29 mai 1919. Et puis, il y a un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Albert Einstein et Eddington, si vous pouvez trouver ça sur votre distributeur de films, qui raconte cette histoire-là. C'est Albert Einstein, il est célèbre en physique pour ses travaux qu'il a fait en 1905. Donc, okay. son année miraculeuse, c'est 1905. Quelle est la relativité? Non, la relativité restreinte, oui, c'est ça. La mécanique quantique, okay. En tout cas, cinq sujets fondamentaux, cinq articles. En 1905. Dans les physiciens, il était célèbre à cause de ça. Okay. Mais la relativité générale, c'est différent. Il a publié en 1915, mais en 1915, vous oubliez, on est pendant la Première Guerre mondiale. C'est vrai. Il a publié devant l'Académie des sciences d'Allemagne. Mais là, il n'y a pas de communication. L'Allemagne est en guerre avec le reste du monde. Fait que dans l'Empire allemand, les gens ont vu ça. Ouais, c'est intéressant. Puis, du coup, les Anglais n'étaient pas au courant, sauf un Anglais. Sir Arthur Eddington, qui a été anobli par... qui lui travaillait à Cambridge, il avait à l'Université de Cambridge. Et lui, il avait un ami de Sitter qui était néerlandais, les Pays-Bas étant neutre, il a passé l'information comme ça, puis il a dit, là, il y a quelque chose là d'important. Lui, c'était un... Eddington est un Quaker. Il est opposé à la guerre. C'est un pacifiste. Alors, il risque de se faire mettre en prison parce qu'il niaisait pas avec les objecteurs de conscience à cette époque-là. Puis là, les gens, ils ont dit, ouais, mais tu sais, Eddington, c'est un des plus brillants scientifiques qu'on a en Angleterre. Ce serait pas une bonne idée de le faire éplucher les patates pendant le reste de la guerre. Fait que, ils ont dit, OK, en 1919, il va y avoir une éclipse. Ben, ta punition, ça va être d'aller t'occuper de l'éclipse de 1919. Okay. C'était compliqué parce qu'il fallait que la guerre se termine pour pouvoir avoir l'équipement pour faire les observations. L'éclipse était dans l'Atlantique Sud. Fait qu'il y avait deux équipes, une qui partait pour le Brésil, une qui partait pour les îles du Cap-Vert. Et c'était des éclipses totales aussi? Oui, c'est une éclipse totale. Okay. Parce qu'en fait, ce qu'Eddington, Einstein a fait une prédiction. En fait, quelques prédictions. Une était que l'orbite de la planète Mercure avait un mouvement de précession. Son orbite est elliptique, puis l'orbite glissait avec le temps. Il y a un mouvement qui vient de la mécanique de Newton, la mécanique classique qu'on connaissait à l'époque depuis plus de 200 ans. Uh-huh. Et il y avait un petit résidu. Uh-huh. Ah, puis là, Einstein expliquait, il y a un effet, puis ça vient de la relativité générale. Mais il y a des gens qui disaient, mais ça peut être une autre planète. Qu'on voit pas, qui est proche. Fait que là, c'était pas assez... Il y avait un autre effet qu'Einstein prédisait, qui était que quand on envoie des rayons lumineux à proximité du Soleil, les rayons vont courber et converger. Mm-hmm. Ça fait une distorsion géométrique quand on regarde les étoiles en arrière. C'est un effet faible. Une seconde d'arc, c'est assez difficile. Et même, il y avait deux possibilités. Il y avait une possibilité qui était newtonienne, donc 0,89 secondes d'arc, et le double de ça pour la réalité générale. Donc, c'est un effet. Parce que la réalité générale avait deux effets, ce qui doublait l'effet du purement newtonien. Fait que bon, il fallait faire l'expérience. Et bon, ça se parlait depuis quelques années. Puis là, en 1919, les Anglais sont allés faire cette mission d'observation-là. Une équipe au Brésil, une équipe au Cap-Vert. Ils ont réussi à prendre des photos. Très difficile parce qu'il faut faire ça là, 3-4 minutes. Oui. L'éclipse, c'est très court. Il faut prendre les photos, il faut avoir des étoiles en arrière. Cette éclipse-là était parfaite. Il y avait un amas d'étoiles en arrière. On a réussi à prendre les photos. Il y avait 3 télescopes, 2 au Brésil, 1 au Cap-Vert. Ils ont réussi à prendre les photos, ramène ça en Angleterre, analyse les données. Problème avec un des télescopes au Brésil. Il était hors foyer parce que il y avait des mouvements de température. C'était beaucoup plus compliqué que ce qu'ils avaient pensé. Mais le 6 novembre 1919, Eddington présente à la Royal Society les résultats et ça converge pour les deux mesures les plus fiables sur la relativité générale. Okay. Bon, dans les scientifiques, pas trop d'excitation parce que c'était limite. C'était un signal. C'était crédible, mais limite. Okay. Dans la salle, il y a des gens qui ont pointé, ils ont pointé le tableau de Newton et Newton n'est pas mort encore. mais dans les médias, et là, ça a été le lendemain, le 7 novembre 1919, le London Times, c'est la plus grande découverte scientifique depuis 200 ans. Alors, du jour au lendemain, Einstein, qui était un physicien connu parmi les physiciens, mais pas dans le grand public, devient une espèce de héros de la science mondiale. Spontané. Spontané, oui. Puis il est devenu célèbre instantanément à cause de cet événement-là. Et ça, c'est là que tout le génie d'Einstein, parce qu'on j'explique un peu la physique en arrière de ça, pourquoi c'était tellement différent. Einstein est devenu un héros. Mais là, c'est aussi l'époque, hein, parce que c'est la fin de la Première Guerre mondiale qui a été une boucherie innommable à un niveau que le monde n'avait jamais connu avant. Et c'était un Anglais qui avait montré qu'un Allemand avait raison face à un scientifique anglais. Alors, ça avait comme une espèce d'espoir dans l'humanité qu'on pouvait faire des choses bien quand même. Alors, c'est pour ça qu'Einstein est devenu une espèce de symbole de la science. Puis il a donné plein de conférences à Cambridge, aux États-Unis par la suite. Et c'est là qu'il est devenu le grand Einstein qu'on connaît. Le grand savant. À cause de cet événement-là. Et la théorie, en fait, qu'il a fait, c'est qu'Einstein avait écrit la relativité en 1905. Uh-huh. La relativité restreinte. Oui. Et toute l'idée de la relativité est hyper élégante et super fondamentale. L'idée, c'est que si on veut faire de la physique, ça prend des règles standards et des horloges standards. Uh-huh. Et on les synchronise, les horloges, avec la lumière. Uh-huh. Et ça a des conséquences quand tu fais ça. L'exemple qu'il donnait, c'est que Einstein habitait à Zurich à une certaine époque. Il travaillait au bureau des brevets. Il prenait le tramway, puis à un moment donné, il s'est dit, si le tramway va à la vitesse de la lumière, ben, il regardait une horloge qu'il y avait dans la. Et là, en allant de plus en plus vite, ben, l'horloge va paraître arrêtée. Donc, c'est un effet de la relativité, la dilatation du temps. La réalité restreinte, c'est les corps qui sont en mouvement rectiligne, uniforme, statique. La réalité générale, c'est quand il y a de l'accélération. Ou de la gravité? Oui, mais en fait, c'est ça. Okay. Einstein a eu une intuition de génie. Ouais. Il dit, mettons que je mets quelqu'un dans une pièce fermée, un ascenseur, et il ne sait pas qu'il est dans un... Ben, c'est un ascenseur. Alors, je le mets dans l'ascenseur, il fait des tests, il y a de la gravité, il y a de l'accélération, les corps tombent vers le bas. Je prends cette personne-là, je le mets pas dans l'ascenseur, je le mets dans l'espace avec une fusée, il fait les mêmes tests, il va avoir les mêmes choses. Donc, il y a une équivalence entre l'accélération et la gravité. Fait que lui, il traite les deux problèmes de la même façon. Il dit, c'est un effet de la courbure de l'espace-temps. Donc, il y a une courbure, et on le représente toujours comme une feuille de tissu déformé par une masse. Oui, bon, par le poids d'une masse. Ça ressemble à ça. C'est pas du tout ça non plus en même temps, parce que la déformation géométrique de la masse fait pas comme la réalité générale. Mais ça a des conséquences. Et une des conséquences, c'est que ça fait dévier la lumière. Un peu, en fait, par pur hasard, à peu près la forme de ce qu'on appelle la lentille gravitationnelle est à peu près semblable à un pied de verre de verre à vin. Donc, pour faire l'expérience en prenant un verre avec les amis, ça donne à peu près le même genre de forme. Donc, Einstein a prédit ça. Et c'est là qu'il est devenu célèbre. Ce qui s'est passé, et c'est ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il faut savoir que la gravité, c'est la plus difficile des forces à étudier. Okay. Parce que le truc aussi bête que la constante gravitationnelle est la plus mauvaise des constantes de physique. au lieu de s'améliorer en précision, elle a dégradé dans les 10 dernières années parce qu'il y avait des groupes qui arrivaient avec des résultats différents parce que c'est impossible de s'isoler de la gravité. Oui, c'est un fait. Oui. Peu importe où on est dans l'espace. C'est ça. Et c'est la force la plus faible de toutes. Oui. La seule avantage qu'elle a par rapport à toutes les autres, c'est qu'elle est cumulative. Alors, contrairement à l'électromagnétisme, où il y a des plus et des charges positives et négatives qui s'annulent, la gravité ne s'annule jamais. C'est toujours vrai. En plus. Ça s'additionne partout. Bon. Alors, dans l'époque d'Einstein, comme ça, on avait ces deux phénomènes-là, l'accélération du péril du Mercure, qui était expliquée par la relativité générale, et cette déformation de l'espace. Et là, c'était les tests, et on a fait d'autres éclipses, mais c'était toujours difficile. Mais on arrivait à converger vers que Einstein a probablement raison. Mais en science, la relativité a été considérée comme pas importante pendant 40 ans à peu près. Okay. Einstein était mort là, quand c'est redevenu à la mode. Okay. C'est dans les années 60, quand on a eu des équipements pour faire des missions spatiales, on est allé chercher un autre effet, qui est ce qu'on appelle l'effet Shapiro. Une idée qu'Einstein n'avait pas eue. C'est un bel exemple de tester une théorie, un autre effet qui n'avait pas été imaginé à l'origine. Ce qui se passe, ce que la relativité dit, c'est que l'espace est courbe. Oui. Le plus court chemin en deux points est une ligne droite. Uh-huh. Donc, si l'espace est courbe, ça va prendre plus de temps à faire le même chemin que si l'espace... Donc, avec des sondes spatiales, on est capable de mesurer, avec une précision de l'ordre de quelques microsecondes, les temps de parcours. Et ce qu'on a montré, c'est qu'effectivement, quand on passe près du Soleil, la lumière prend plus de temps qu'elle... il y a le petit effet de déflexion est là. Il y a effectivement la dilatation du temps reliée à la gravité. On a fait d'autres expériences. L'effet de la gravité d'étirer la lumière, parce qu'elle perd... Interprétation newtonienne, elle perd d'énergie, mais aussi le temps se dilate, ça étire les longueurs d'onde. On a fait des expériences en laboratoire à Harvard avec des rayons gamma, et ce qu'on appelle l'effet Mauss-Bauer, ça fait une raie extrêmement étroite. Okay. Alors, le petit effet gravitationnel qui est insignifiant, là, c'est ridicule sur quelques dizaines de mètres, ben, on pouvait le détecter, on l'a mesuré, ça correspondait à la générale. On a fait des tests avec des horloges atomiques aussi, parce que, encore là, on dit qu'il y a dilatation du temps. Alors, on a pris des avions, on les a fait virer. Chacun de leurs bords autour de la Terre, puis il y avait, il n'était pas tout à fait synchronisé. En fait, cet effet-là, on l'a dans le système GPS. Oui, effectivement. C'est parce qu'il faut en tenir compte. Parce qu'à l'origine, il y avait une bataille entre les ingénieurs puis les physiciens. Ils ont dit, il faut tenir compte de la réalité générale. Les horloges atomiques qui sont dans l'espace, qui servent à faire fonctionner le système GPS. Parce que le système GPS, tout ce que c'est une horloge qui vous donne, c'est des horloges qui vous donnent l'heure avec et la position où devrait être le satellite dans l'espace. Okay. Mais les physiciens ont dit, écoutez, là, les effets de réalité générale, c'est des nanosecondes. Mais des nanosecondes à la vitesse de la lumière, ça s'accumule, puis c'est cumulatif. Donc, rapidement, ça venait des mètres, puis des kilomètres. Fait que, les ingénieurs ont dit non. Ben là, ils ont mis le terme, puis il y avait un switch on-off. Puis effectivement, tant qu'ils n'ont pas mis la relativité générale en action, le GPS ne fonctionnait pas du tout. Il y avait des dérives. Fait que quand ils l'ont activé, ça s'est complètement figé, puis ça a réglé le problème. Donc, ce sont des tests simples de relativité générale. Et depuis cette époque-là, depuis une centaine d'années, en fait, on a fait plein de tests et on n'a jamais trouvé la théorie de la relativité générale en défaut. Et puis, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres théories, là. Il y en a des dizaines de théories de la gravité alternative qui donnent des résultats légèrement différents. Okay. Il y en a beaucoup qui n'ont pas survécu. Qui ont été élaborées par différents physiciens. Oui, des physiciens à différentes époques. Mais c'est parce que la théorie de la relativité générale, elle est la plus simple que tu peux imaginer. Tu dis, OK, mettons qu'il y aurait. Tu fais une hypothèse. Par exemple, le principe d'équivalence. On suppose que tous les corps tombent à la même vitesse et que, entre autres, une des particularités, c'est que la masse gravitationnelle, c'est la même chose que la masse inertielle. Que la masse inertielle, c'est la résistance à l'accélération. Mm-hmm. Puis la masse gravitationnelle, c'est la force de gravité qui est à cette masse-là. Puis une des hypothèses de la réalité générale, c'est que les deux sont pareils. Bon, mettons que les deux ne sont pas pareils. C'est que ça a des conséquences. Et une des conséquences, c'est que ça a un petit effet sur le mouvement de la Lune autour de la Terre. Mais depuis qu'on a les missions Apollo et même avec les sondes russes avant, on a mis des réflecteurs sur la Lune et on mesure la position de la Lune à quelques millimètres près et la Lune tombe à la même vitesse que la Terre autour du Soleil. Donc, le principe d'équivalence dans ce régime de gravité-là est parfaitement respecté. Ça, c'est ce qu'on appelle des tests en champ faible parce qu'on n'est pas dans un environnement gravitationnel spectaculaire. On s'entend. Il y a une faible gravité, c'est ça. Oui, mais nous, on vit dans... On n'est pas relativiste. On va pas à une fraction importante de la vitesse de la lumière. Alors, il y a d'autres tests qu'on a fait avec des pulsars. Miracle de la nature. il existe des objets extrêmement denses qu'on appelle les pulsars. Imaginez quelque chose de trois fois la masse du Soleil concentré dans une bulle de 10 km de diamètre. Okay. Un noyau atomique de la taille de la taille d'une petite ville. Et ça, c'est la première chose. C'est des cadavres d'étoiles massives de plus de 8 masses solaires qui fabriquent ça. Il y en a des doubles. Ça, c'est plus rare. C'est deux étoiles massives qui tournent une autour de l'autre. Et il y a des pulsars millisecondes. Que ça, c'est encore c'est plus quoi, ça, ouais? Les pulsars, normalement, un pulsar, c'est un. Quand l'étoile s'effondre, ben, ça concentre le champ magnétique. Okay. Et là, ça tourne comme un phare et ça fait des pulses. Donc, okay. Les premiers qu'on a trouvés, c'était très régulier. Des pulses magnétiques? Des pulses radio. Radio. Radio. Okay. C'est une maison de radio. Typiquement, un pulsar, c'est 1, 2, 3 secondes. Mais il y a des pulsars qui avaient la deuxième étoile. Était là, en gros, en vieillissant, elle gonfle et s'est mis à accélérer la rotation des deux pulsars jusqu'à des vitesses énormément plus grandes, donc en millisecondes, des millièmes de seconde. OK. Donc, et ça, c'est un métronome parfait avec une très haute fréquence. Fait qu'on est capable de mesurer le temps, donc l'effet Shapiro, l'accélération. L'orbite des deux pulsars se resserre et avec le temps. Certains, en tout cas, les plus serrés, on les voit par émission d'ondes gravitationnelles. Alors, on a tout ça. Les équipes ici, comme des gens de l'Université McGill au Québec qui travaillent sur ces objets-là, ben, ils ont des tests de relativité générale qui ont été faits. Donc, il y a un paquet de tests faits en laboratoire, faits dans l'espace. La nature nous donne nos propres joujoux extrêmes pour jouer. Et tout ça, jusque-là, colle à la caractéristique générale. On espère tous, un moment donné, qu'on va trouver une défaillance, là. Mais parce que ça, c'est un des problèmes. Pas qu'Einstein soit un dieu, quand même. Non, mais c'est parce que en poussant les théories aux limites, on espère qu'ils vont briser. Oui. Et pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Et à ce moment-là, ça forcerait peut-être de nouvelles théories, peut-être, si en fait, on le gros problème, limites. C'est pas les théories. Hein. Ça, c'est okay. Un truc que les gens perçoivent mal souvent avec la science, c'est que c'est facile de générer des théories. Il y a des règles. Là, c'est de voir, c'est, le... c'est la difficulté, c'est de savoir lesquelles sont bonnes. Ah, c'est ça. Et ça, c'est par l'expérimentation, c'est par l'observation qu'on filtre. Et là, le gros problème qu'on a en physique depuis... En fait, c'est devenu un gros problème, je dirais, quand moi j'ai commencé mes études, parce que dans le domaine de la physique fondamentale, la relativité générale, la physique des particules, on a toutes les théories qui existent, et deux théories. La relativité générale, qui est la théorie de la gravité, j'ai passé tous ces tests haut la main. Et ce qu'on appelle le modèle standard, la physique des particules, a passé tous ses tests, incluant le boson de Higgs récemment. Oui. Donc, il y avait deux superbes théories, incompatibles mathématiquement l'une avec l'autre, complètement incompatibles, et qu'on aimerait bien fusionner ensemble pour avoir une théorie de toute la physique. Ben, les deux théories sont parfaitement incompatibles mathématiquement, parfaitement fonctionnelles dans la vraie vie. Okay. Alors, les théoriciens, ils ont inventé toutes sortes d'artifices mathématiques comme la théorie des cordes et toutes sortes de variantes, mais ils n'ont aucune idée si ce qu'ils font, ça fait du sens dans la vraie vie. T'sais, ils ont mathématiquement, ça a l'air de se tenir, mais physiquement, est-ce que c'est la bonne théorie? Surtout que la théorie des cordes, il n'y en a pas qu'une seule. Il y en a une flopée de théories alternatives. Et ça, c'est une des branches, parce qu'il y a d'autres un paquet d'autres théories. Qui restent à être validées. Et à un moment donné, tout le monde espère qu'on va trouver un gros morceau. Parce que, mais il y en a des morceaux. On a des gros morceaux qu'on sait qui. Comme quand on fait de la. Quand on regarde les galaxies ou on fait de la cosmologie, il y a la matière sombre. Oui. C'est 30%. La matière normale, comme oui. Nous, là, c'est 5% de l'univers. Il y a à peu près. Oh, OK. C'est 5%, c'est de la matière normale qu'on comprend. Il y a 25% à peu près de matière sombre, qui est un truc qu'on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça pèse quelque chose, puis okay. ça affecte l'espace. Et il y a 70% d'un truc qui s'appelle l'énergie sombre, qui fait souffler l'univers. Okay. Un truc qu'Einstein a inventé en passant, en 1930, mais pas pour une raison. Einstein voulait un univers statique. Il voulait un univers parce qu'il y avait pas des raisons dans le sens qu'il n'est pas en expansion ni en contraction. Pas des raisons philosophiques parce que essentiellement il voulait un univers éternel. Fait que l'univers éternel doit être statique parce que s'il est en contraction ou en expansion, il n'est pas éternel. Fait qu'il voulait un univers éternel puis il y avait si tu mets de la matière, inévitablement ça s'effondre. Oui. Donc il avait rajouté la constante cosmologique pour souffler l'univers pour l'empêcher de s'effondrer. L'idée était bonne, sauf que s'il y avait une légère surdensité ou sous-densité, ben ça s'effondrait localement, ça explosait. Donc, ça ne fonctionnait pas. Et il a dit que c'était la plus grande erreur de sa vie. Et dans les années 90, en 1996, 97, 98, au moment où je finissais mon doctorat, ben les astrophysiciens ont dit oui, « Excusez, mais c'est parce qu'il y a vraiment une constante cosmologique, puis l'univers est en expansion qui s'accélère et qui ne ralentit pas. » On ne sait pas du tout c'est quoi. Okay. Il y a toutes sortes de théories, mais on n'a pas... je dirais, à l'heure actuelle, il n'y a pas de réponse intelligente à ça. Là. Donc ça, c'est parce que la gravité générale permet d'écrire l'univers au grand complet de façon assez simple. D'ailleurs, les théories cosmologiques, c'est quelques équations de la gravité générale. Donc c'est assez simple. Donc c'est cette magnifique théorie qui est purement géométrique, qui est une description géométrique de... dans la théorie de la gravité générale, les particules voyagent sur des lignes courbes, mais ils suivent le chemin de... l'univers est en courbe, suivent la ligne droite. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Là. En termes de beauté, de simplicité de l'idée, et c'est génial. Par contre, mathématiquement, quand on essaie de coupler ça avec la théorie de la physique des particules, là, ça ne fonctionne pas, mais pas du tout. Là. C'est complètement 100% incompatible. Oui, tout à fait. Donc, il n'y aura pas possibilité éventuellement d'une fusion. Soit on reformule la théorie de la réalité générale d'une autre façon, soit on reformule les particules. Il y a quelque chose comme ça là, qu'il faut faire. Et pour ce qui est des ondes gravitationnelles aussi, on vit à une époque extraordinaire. Ben toujours le mot qu'on dit dans toutes les conférences de physique, mais l'année dernière, on a réussi à détecter les ondes gravitationnelles. Ben oui. Et ça, c'est extraordinaire. Les mesurer aussi. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'Einstein a publié un papier en 1930 où il dit « Ouais, il n'y a pas d'ondes gravitationnelles. » Ah bon? Il voulait le publier. Mais un des premiers exemples de revue orbitée par les pairs, on en parlait, la chroniqueuse qui est passée avant moi parlait de ça. Ben là, il y a un autre physicien qui dit Non, excusez, M. Einstein, vous êtes trompé dans vos calculs. Ici, il y a des possibilités parce que la façon dont vous avez fait vos systèmes de coordonnées, c'est juste un artefact. Einstein, très insulté, il écrit à l'éditeur. Il dit voyons donc, c'est quoi cette façon-là? Je vous ai envoyé le papier, j'ai pas demandé de personne de le faire lire par quelqu'un d'autre. Einstein, pas fou quand même, mais dit ben là. C'est vrai, il a raison. Il corrige son papier, renvoie à l'article, puis a publié comme de quoi qu'il y avait émission d'ondes gravitationnelles. Okay. Et ça, ça a été dans les années 60. D'où la pertinence de se faire vérifier par ses pairs. Oui, c'est ça. Ben oui. En fait, la vérification par les pairs, ça a évité de dire des grosses conneries dans ces articles. C'est ça. L'idée, c'était de détecter ça. Dans les années 60, on a fabriqué des espèces d'antennes à ondes gravitationnelles. Il existe encore trois dans le monde. Des boron de métal refroidis à des températures cryogéniques. Si une onde gravitationnelle va passer, ça va les déformer un petit peu pour l'été. Bon, c'est pas super sensible. Il y a un autre projet qui a été parti dans les années 90 par un Américain du nom Kip Thorne. Et ce projet-là, c'était de fabriquer un interféromètre de Michelson. Mais gigantesque. L'interféromètre de Michelson, on a fabriqué chez ABB Beaumême à Québec. J'en ai fait pendant plusieurs années. Ils ont des bras de 3 cm. Mais là, le bras, il fait 4 km de long. On parle du LIGO là, qui est aux... C'est ça, c'est le LIGO. Puis il y a son équivalent européen Virgo qui a des bras de 3 km. Et là, on cherche à mesurer une déformation. L'interféromètre, c'est combine de la lumière qu'on envoie de chaque côté et revient. Et là, on s'arrange pour que la lumière étant une onde, ça s'interfère, on s'arrange pour avoir une interférence destructive. Et là, on regarde les bras se déformer. Mais la déformation, elle est ridiculement faible. C'est ça. Pour la taille de l'interféromètre, c'est un 10 000e de la largeur d'un atome. C'est incroyable. Fait que là, pour mesurer un 10 000e de la largeur d'un atome, on envoie énormément de lumière pour avoir un signal assez fort pour le mesurer. Et là, la difficulté est que ça prend des efforts héroïques pour pas avoir de déformation de ce bras-là due à la vibration. Effectivement. Alors, il y a des suspensions magique de 4 étages avec des fibres optiques qui des fibres pour absorber toutes les vibrations du sol. Au début, quand ils ont construit le projet, c'est la plus grosse subvention qui ait jamais été donnée. Ils n'étaient pas capables de le faire fonctionner. Et après 10 ans, ils ont réussi. Et là, ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette journée-là, merveilleuse, en 2015, on a fait la détection. 14 septembre. Le signal était tellement fort. Parce qu'il s'attendait qu'il allait le détecter par l'analyse de données. L'astrophysicien qui était de garde ce soir-là a vu le signal arriver. Non, non, ça se peut pas. Il prend, il dit, parce qu'il en envoyait des signaux de test de temps en temps pour vérifier. C'est tout le monde. Il dit là, c'est une simulation. Fait qu'il appelle le gars responsable. Il dit non, le gars responsable, non, non, c'est pas une simulation, c'est le vrai signal. Fait qu'ils ont pris 3 jours à faire le tour de tout le monde pour voir si c'était pas une joke, c'est qu'ils avaient pas hacké les. Parce que le signal. Que c'était un vrai signal. Oui, une vraie onde gravitationnelle. Il était 10 fois plus fort que ce qu'ils avaient pensé. OK. Et avec 2 trous noirs très massifs, ce qui n'était pas du tout prévu par la théorie. Okay. Des trous noirs de 30 masses solaires, la théorie ne prévoyait pas ça. Donc là, première observation, signal très fort, d'objets qu'on ne s'attendait pas à trouver. Et on a beaucoup de belles physiques qui étaient sorties de ça. On est rendu à 4 détections d'objets. Là, qui est, donc, et là, on s'attend dans les prochaines années à en avoir plusieurs dizaines par année de ces phénomènes-là qui vont se produire. Ben écoute, je te remercie infiniment, Yvan, d'être venu nous raconter ça. C'est une magnifique histoire et on va sûrement se revoir durant la saison, j'imagine. Ça, je vais passer une fois par mois à peu près. Bon, mais c'est parfait. Alors, on va passer au mot de la fin.